Notre dame Fiaro, tu t'es trouvé là bien à point. Pardon, il s'en est pas fallu une épaisseur d'une plague qu'ils se soient noyés tous deux. C'est dans le coup de vent d'un matin qu'ils avaient renversé dans la mare. Ah bah tiens, Charlotte, je m'en vais te conter tout fadré comme tout ça est venu. Car comme dit l'autre, je les ai le premier avisé. Aviser le premier, je les ai. Enfin donc, gestion sur le bord de la mare, moi et le gros Lucas, et je nous amusions à batifoler avec des mottes de tarte que je nous gestions à la tête. Car comme tu sais bien, le gros Lucas aime à batifoler, et moi parfois je batifole tout. En batifolant donc, puisque batifoler y a, j'ai aperçu de tout loin quelque chose qui grouillait d'anglio et qui s'en venait comme vers nous par secousse. Je voyais ça fixiblement, puis tout d'un coup, je voyais que je voyais plus rien. Hé, Lucas, c'est ce que je fais. Je pense que voilà deux hommes qui nagent là-bas. Voilà, ce matifé, t'as été au trépassement d'un chat, t'as la vue trouble. Morgan, c'est ce que je fais, j'ai pas la vue trouble, ce sont des hommes. Point du tout, ce matifé, t'as la barlue. Veux-tu cacher, c'est ce que je fais, que j'ai pas la barlue, c'est ce que je fais, ce sont des hommes, c'est ce que je fais, qui nagent droit ici, c'est ce que je fais. Morgues, matifé, je gâche que non. Oh, ça, c'est je fais. Veux-tu gâcher 10 sous que si? Je le veux bien, ce matifé. Et pour te montrer, l'argent suis-je. Mais moi, j'ai pas été ni fou ni étourdi. J'ai bravement monté à terre, 4 pièces tapées, 5 secondes, je reviens. Aussi hardiment que si j'allais avaler un verre de vin. Cache si hasardeux, moi. Et je m'en vais à la débandade. Ça vaut bien ce que je faisais, pourtant. Que niais. Enfin donc, j'avons pas plutôt eu gâché, j'avons vu les deux hommes tout à plein qui nous faisaient un signe de les aller quérir. Et moi, tirer auparavant les enjeux. Allons, Lucas, c'est-je fait. Tu vois bien qu'ils nous appelons. Allons vite à leur secours. Non, ce matifé, ils m'ont fait peur. Or donc, tant qu'il y a qu'à la parfum, pour le faire court, je l'avons tant sermonné quand je nous sommes boutés dans une barque. Et puis, j'avons tant fait qu'un, que je les avons tirés d'un lion. Et puis, je les avons menés chez nous auprès du feu. Et puis, ils sont dépouillés tout nus pour se sécher. Et puis, il en est venu deux autres de la même bande, qui c'est qui en sauvait tout seul. Et puis, Mathurine est arrivée là, qui en a fait les 12 yeux. Là, justement, Charlotte, comme tout ça, c'est fait. Mais t'es pas dit, Pierrot, qu'il y en a un qui a bien peu mieux fait que les autres. Oui, c'est le maître. Oh, il faut que ce soit que gros monsieur, car il a du d'or à son habit, tout le pilon jusqu'en bas. Et ceux qui le servent sont des monsieur eux-mêmes. Et c'est en parlant tout gros monsieur qu'il est, il serait par ma figue noyé si j'avais en mettait là. Ardez un peu. Oh, ma figue est sortie, il a une mine de fer. Est-il encore chez toi tout nu, Pierrot? Non. Il a mon habillé tout devant nous. Mon Dieu, j'en avais jamais vu s'habiller. Que d'histoire est dans Gigorneau, boutons ces messieurs-là, les courtisans. Je me perdrais là-dedans, pour moi, j'étais tout ébobie de voir ça. Tiens, Charlotte, ils ont des cheveux qui tenant point à leur tête. Et ils boutons ça, après tout, comme un gros bonnet de filasse. Ils ont des chemises qui ont des manches où nous entrerions tout, brandis toi et moi. En plus d'autre chose, si portons un garde-robe aussi large que d'ici à Pâques. En plus de pourquoi des petites brassières. Nous n'avons pas jusqu'au brichet. En vieux drapas, un grand mouchoir de cou à résion avec 4 gros soupes de linge qui leur pendent sur l'estomac. Ils avons eu tout, d'autres petits rabats au bout des bras et des grands entonnoirs de passement aux jambes. Et parmi tout ça, tant de rubans que ça n'est une vraie pitié. Il n'y a pas jusqu'au soulier qui n'en soit tout fasti, tout pillable jusqu'à l'autre. Et ils sont faits d'une façon que je me romperai le cou avec. Ça m'a fait, Pierrot, il faut que j'aille voir un peu ça. Oh! Oh! J'ai que autre chose à te dire, moi. Eh bien, dis, ce que c'est. Vois-tu, Charlotte, il faut, comme dit l'autre, que je débande mon cœur. Je t'aime, tu le sais bien. Et je somme pour être mariés ensemble. Mais t'estimes que je suis pas satisfait de toi. Mais qu'est-ce donc, Iglia? Iglia, tu me chagrines l'esprit. franchement. Et comment donc? J'en niquais tu même point. Ah, n'est-ce que ça? Oui, ce n'est que ça, c'est bien assez. Oh, mon Dieu, Pierrot, tu me viens toujours dire la même chose. Je te dis toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose. Si c'était pas toujours la même chose, je te dirais pas toujours la même chose. Mais enfin, qu'est-ce qu'il te faut? Que veux-tu? J'en niquais ce que tu m'aimes. Est-ce que je ne t'aime pas? Non, tu m'aimes point. Et si je fais tout ce que je puis pour ça? Je t'achète sans reproche des rubans à tous les messieurs qui passeront. Je me rends le coup à t'aller dénicher des marbles. Je vais jouer pour toi les vielleux quand ça vient ta fête. Et tout ça comme si je me tapais la tête contre un mur. Vois-tu, ça n'est ni bio ni honnête de n'aimer pas les gens qui vous aiment. Mon vieux Pierrot, je t'aime aussi. Oui, tu m'aimes d'une belle dégaine. Comment veux-tu qu'on fasse? Je veux que l'on fasse comme l'on fait quand l'on aime comme il faut. Mais est-ce que je ne t'aime pas comme il faut? Non! Quand ça est, ça se voit. Et l'on fait mille petites singeries aux personnes quand on les émeut du bon du cœur. Regarde la grosse Thomas, comme elle est assotée du jeune Robin. Toujours, elle est autour de lui, à lui agacer. Toujours, elle lui fait coqueniche ou lui baille tout à l'ange, de toute façon. Et l'autre jour qu'il était sur un escabio, elle s'en fut tirer de dessous lit et le fiche quoi tout son partage. J'arrive là où l'on voit les gens qui m'ont. Mais toi, tu n'y jamais mot, t'es toujours là comme une vraie souche de bois. Et je pourrais passer 20 fois devant toi, tu ne te grouillerais pas pour me payer le moindre coup ou me dire la moindre chose. Vois-tu, ça n'est pas bien après tout. Et t'es trop froide pour les gens. Que veux-tu que j'y fasse, Pierrot? C'est mon image, je ne m'ai plus refondre. Il y a une main qui tient. Et quand on a de l'amitié pour les personnes, l'on embaille toujours quelques petites signifiances. Enfin, je t'aime tout autant que je puis. Et si t'es pas content avec ça, t'as qu'à n'aimer que contre. Eh, mais... V'là pas mon compte. Testigué, si tu m'aimais, me dirais tout ça? Comment viens-tu aussi t'arabuster l'esprit? Morgue, quel mal te fais-je? Je te demande un peu d'amitié. Eh ben, laisse faire aussi, elle me presse point tant. Peut-être que ça viendra tout d'un coup, sans y songer. Ah. Touche donc la Charlotte. Eh ben, tiens. Promets que tu tâcheras de m'aimer davantage. J'y ferai tout ce que je pourrai. Mais il faut que ça vienne de lui-même. Pierrot! C'est là, ce monsieur? Oui, le voilà. Oh, mon Dieu, qu'il est gentil! Que ça aurait été dommage qu'il lui était naillé! Je reviens tout à l'heure. Je m'en vais boire shopping pour me goûter dans ce papier de la fatigue.